France Inter, le 13-14. En ce jour où le gouvernement donne de nouveaux détails sur sa stratégie de vaccination, dans le vif de l'histoire avec vous Jean Lebrun, un nom associé à l'histoire de la vaccination. Pasteur, inventeur ou co-inventeur des vaccins contre la maladie du charbon, contre la rage, puis la diphtérie, mise au point par ses disciples. Bah, c'est un nom générique, Pasteur. C'est le fondement d'une généalogie de lieutenants valeureux qu'il avait su choisir pour successeur. Roux, Yersin, les autres. Alors un signe qui ne trompe pas, on ne se souvient plus de son prénom. C'est comme pour le maréchal Foch. Maréchal Foch ? Ferdinand. Oui, il y a une scène célèbre, Michel Charras et François Mitterrand, place du Trocadéro, ils savent plus, alors ils vont voir la statue de Foch et ils voient que je crois que son prénom n'est pas inscrit. Ce qui compte, c'est que Pasteur et Foch incarnent l'un et l'autre des victoires. Et des victoires de la République. Ce qui d'ailleurs est assez drôle dans le cas de Pasteur, parce que administrateur de l'école normale supérieure, nommé par Napoléon III, Pasteur, Louis, réprimait systématiquement la moindre velléité d'opposition chez ses élèves. Un de ses mécènes était un autre empereur, dont Pedro II du Brésil, auquel il demanda en vain des condamnés à mort qui auraient pu, en échange de la non-exécution de leur peine, lui servir de cobaye. Mais c'était en 1884, un an avant qu'il ne trouve dans le petit berger Joseph Meister le patient idéal à sauver de la rage. Alors l'importance de Pasteur tient à la cohérence au fond qu'on peut identifier rétrospectivement entre toutes ses recherches. Si on se place au point auquel il était parvenu à la fin de son parcours, elles paraissent en effet s'emboîter comme des poupées russes. Il a commencé en travaillant sur la cristallographie, cherchant derrière les apparences l'arrangement de la matière en molécules. Des atomes composant les molécules, ils passent aux micro-organismes dont la sourde énergie permet la fermentation. Puis, il va lutter contre la ruineuse maladie qui couvre de taches la peau des vers à soie avant de se consacrer au vaccin, isoler le germe invisible d'une maladie, le cultiver et fin. Ensuite, en atténuer sa virulence pour en faire un vaccin. Le rôle d'un scientifique, le pays lui est reconnaissant d'avoir entendu les demandes sociales. Oui, dans les années 1860, ce sont les sericiculteurs qui font appel à lui. Les vers à soie. Les vers à soie. Ouais. Nîmes, Alès. Après 1870, il reprend ses travaux sur la fermentation pour aider les brasseurs français à ne pas succomber à la concurrence allemande. Mais dès les années 1860, il avait dénoncé les esprits étroits qui dédaignaient dans les sciences ce qui n'est pas d'application immédiate. Les circonstances le menaient sur un champ d'action, mais ce qui l'obsédait, c'était de construire une théorie générale, le pastorisme. Le pastorisme, qui fut une école à vocation internationale. Mais la popularité de Pasteur, Pasteur, tient à ce qu'il est à lui seul un tour de France. Ben oui, depuis sa naissance, il incarne la vertu du Jura, de la Franche-Comté, du gros labeur, vous savez. Joseph Meister, son fameux berger, vient de l'Alsace perdue. Pasteur ne cesse aussi de faire savoir qu'il mène des expériences un peu partout dans le pays, à la cave de l'Observatoire de Paris, mais aussi bien à la mer de glace à Chamonix. Et dans ses cahiers de laboratoire, où il consigne tous les repentirs, les erreurs, les bifurcations de son travail, il note aussi bien les horaires des trains qui le mènent à Nîmes et à Alès, au pays de... Du Verrasois, les sériciculteurs. Voilà. Ses collaborateurs ex-vaccination sont d'ailleurs autant de missis, de minissis qui vont convaincre sur place les éleveurs de bétail. C'est d'ailleurs sur ce terrain, le plancher des vaches et des moutons, que les adversaires les plus acharnés de la vaccination aujourd'hui croient pouvoir égratigner Pasteur. La méthode d'atténuation du vaccin contre le charbon appliquée à Pouilly-le-Fort, Seine-et-Marne, n'aurait pas été ce que Pasteur avait annoncé. Si, si. Et d'ailleurs, le chien, Bruno, qui a mordu le jeune Joseph Meister, était-il vraiment enragé? Ses rayures sur la carrosserie ne sont pas prêtes de diminuer notre admiration pour Pasteur Louis, notre Rolls-Royce à nous. Merci Lebrun, Jean Lebrun.